J'ai trop de péché sur le dos. V'là la zaza dans le métro. Elle veut que je la prenne par tous les trous. Mais dans le joint j'en ai mis trop. Genre un doux si tu t'approches. J'vois mes auditeurs, j'aurais pu leur dire vite tes poches. J't'ai mon comment bosser, oh mon zizi que s'accroche. Fonce dès j'écris le premier projet. J'lui rends son âme à mocher. J'aime pas les règles donc j'vais tricher. Ah, mes rimes sont rodaves comme un gaucher. Je m'en bats les couilles, c'est trop cher. Pétage, viens pas m'approcher. Ma jeunesse et mes secrets. Mes erreurs et mes regrets. Il fait 1, fait 33 degrés. Mais je suis franc, je suis pas maçon. J'ai du Sprite et des glaçons. J'ai la barre, mauvais garçon. De toute façon, hein, l'argent fait faire chemin de la maison. Hein, toutes les saisons, hein, l'argent fait faire chemin de la raison. Hein, de toute façon. De toute façon, j'ai du Sprite et des glaçons. De toute façon, j'suis plus ce petit garçon. Dans les tranchées, chante à l'unisson. No lacking, pendant que ma belle se démaquille. J'vends au piastre à tous tes amis. Comment ça va les camés? Vendredi j'porte le camis. Comment ça va les camés? J'ai un télégramme à cabis. Tu m'donnes tes billets, ta santé. Après j'achète nouveaux habits. Y'avait que les opias et les drugs. Quand j'étais dans les abysses. Quand j'étais dans les abysses. Trop cher, pétage, viens pas m'approcher. Ma jeunesse et mes secrets. Mes erreurs et mes regrets. Il fait 1, fait 33 degrés. Mais je suis franc, je suis pas maçon. J'ai du Sprite et des glaçons. J'ai la barre, mauvais garçon. De toute façon, hein, l'argent me fait faire chemin de la maison. Hein, toutes les saisons, hein, l'argent me fait faire chemin de la raison. Hein, de toute façon. De toute façon, j'ai du Sprite et des glaçons. De toute façon, j'suis plus ce petit garçon. Dans les tranchées, chante à l'unisson.